Grégoire, mon bébé. Ah, c'est sûr, il est décongelé. Bon, viens, viens. On va baiser. Culture chic, fabrique. Le plastique, c'est bon. Ça pique, j'ai pas l'habitude, c'est tout rond. Oh. Prudence, patience, attention. Tu peux mourir. Pastis, syphilis, oui. Ça glisse, ça te glace le sang. À kiss. Embrasse-moi partout tout le temps. Fais le moche. Allez, danse, tête de pioche. I want you to do them for me. Vas-y. Show me what you got, don't you slip. J'ai pas joué. Pourtant, le feu, la chaleur, la feu, la chaleur. Avec qui ça? Avec qui? Embrasse-moi partout tout le temps. Embrasse-moi partout tout le temps. Je sais pas moi. Partout tout le temps. Va chercher le voisin. On boira du vin. Je sais pas moi. Arrière-train. Va chercher le voisin. Ding ding dong. Bonjour. Qui coule, Mimi craque le joueur, ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais pour se distraire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour se distraire. Mon chéri, il y a le chien penseur. On va le cuire au beurre, l'offrir au resto du cœur. Et on va faire l'amour en musique.